Je vous souhaite un très bel après-midi, une très bonne écoute d'Histoire vivante tout de suite sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, du changement de régime à la prise d'otages. Qu'est-ce qui a fait aussi cette audience de Khomeini au-delà des mosquées? Avec le Shah, c'était notre peuple était un peuple méprisé. Et aucun peuple n'accepte pas d'être méprisé. Plein feu sur l'Iran. Le pays était en plein chaos. Et personne n'osait parler de problèmes politiques, de désordre. Les États-Unis, qui avaient vendu des armes massivement au Shah pendant les années qui ont précédé la prise d'otages, ils n'avaient quand même pas réussi à comprendre qui étaient ces gens de l'opposition et à établir un réseau autre que celui du Shah. Daniel Wyss, alors je vais vous demander un petit exercice de mémoire. La dernière fois que nous faisons un face-à-face, quel en est le sujet? Je n'ai pas eu la précaution et la sagesse, et encore moins la mémoire, de m'en souvenir. Alors, on s'est vu en 2015 pour un documentaire qui s'appelait « Atterrissage forcé » que j'avais réalisé autour de la question du camp pénitentiaire de Wahr-Villers-Mausse à Lucerne et d'aviateurs américains tombés en Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, vous avez, d'une certaine manière, avec votre nouvel opus, quelque peu changé de sujet. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire, avant qu'on dévoile et titre et sujet, quelle est la toute première feuille, la première brique, la chose qui va vous dire « Oh, ça, j'irai bien ». Au commencement, j'avais fait un film sur des réfugiés chiliens qui était venu en Suisse, qui s'est aussi passé dans l'histoire vivante. Suite à ça, j'ai fait ce deuxième film Atterrissage forcé, et puis ce dernier film, c'est pour, d'une certaine façon la fin d'une sorte de trilogie historique qui met au centre la Suisse de façon, on va dire, institutionnelle pratiquement, face au rapport avec l'étranger. Donc le premier opus, c'était, on va dire, la Suisse solidaire face à ces réfugiés chiliens. Le deuxième était la Suisse plutôt opportuniste pendant la Deuxième Guerre mondiale, neutre, mais voulant jouer le jeu de la neutralité jusqu'au bout. Et voilà. Et le troisième volet, ambassade, qui est un volet plutôt de la Suisse intermédiaire, les bons offices. Et l'idée au départ de ces documentaires m'est venu lorsque, en 2015, nous avons rendu l'ambassade américaine à Cuba aux Américains. Parce que nous, depuis la révolution cubaine de 59, nous sommes devenus la puissance protectrice des intérêts américains à Cuba, jusqu'à ce que Obama et Raúl Castro et mille clignotants et puis partent dans une autre direction. Et partent dans une autre direction, mais qui paraissait relativement improbable. Et c'est vrai que je m'étais intéressé à cette affaire, bon, parce que je suis sud-américain probablement, parce que Cuba, ça a toujours été une préoccupation. Je me suis dit, tiens, il se sont passé des choses là, est-ce qu'on pourrait en parler? Et puis, bon, voilà, j'ai été voir les archives et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'histoires extrêmement intéressantes, mais que, évidemment, la plupart des gens concernés étaient morts, malheureusement, et que, à part faire un film avec vraiment des historiens et des experts, ça serait difficile de faire un film comme les films que j'ai l'habitude de faire et que j'aime faire, qui sont des films avec des témoins. Des témoignages. Des témoignages personnels, et que la grande histoire soit racontée par la petite histoire et personnelle. Et donc, mais malgré tout, pardon de vous interrompre sur ce point-là, mais puisque vous avez prononcé le titre de votre film en disant « ambassade », ça laisse supposer aux plus agiles des esprits qui nous écoutent que derrière l'ambassade, il y a forcément des professionnels, autrement dit des diplomates. Or, le témoignage des diplomates, comment espérer qu'il ne soit pas encore langue de bois, pardon pour la violence du propos, mais tout de même, oui, ce sont des métiers qui ont des devoirs de réserve et des devoirs de réserve bien après le mandat de leur activité. Alors, tout le problème était un peu là. Moi, je suis tombé sur l'ambassadeur suisse en Équateur, Pascal Descoster, lors de la projection d'un de mes films dans un festival en Équateur et autour d'un repas auquel il a assisté, je l'ai un peu, enfin auquel il m'a invité plutôt, et je lui ai dit, mais est-ce qu'aujourd'hui la diplomatie, ça se joue encore sur les niveaux comme on les imagine dans par le passé, la négociation, est-ce que le feutrage, est-ce que tout se passe encore de cette façon-là, ou est-ce que Twitter et les réseaux sociaux et le email n'a pas complètement détruit cette cette partie de la communication personnelle et je lui dis bah voilà, je sais pas moi, l'ambassade suisse à Téhéran en 1979, ça devait être quelque chose de plutôt important, qu'est-ce qui s'est fait, on n'en sait rien. Et il m'a dit, vous croyez pas si bien dire, j'étais là, c'était ma première mission. Et tout d'un coup, j'ai commencé avec lui et avec d'autres à essayer de voir si on pouvait aller au-delà de ce que vous dites d'être la langue de bois. Alors, il y a deux choses. Les choses officielles qui concernent vraiment les intérêts des États-Unis, il y a beaucoup de choses dont ils n'ont pas voulu me parler. Mais aussi, et n'oublions pas, les archives de cette affaire-là sont toujours sous scellé à Berne. Et on ne peut pas les voir parce que cette affaire n'est officiellement pas finie. Donc, on a pu voir les archives de Cuba au moment où on a rendu l'ambassade américaine à Cuba, mais sur l'ambassade iranienne et sur toute la question des bons offices en Iran, que ce soit en 78, 79, 82 ou plus récemment, ce sont des archives secrètes. Daniel Wyss, nous parlons aussi bien, et c'est ça la magie de la radio de service public, à des gens extrêmement instruits qu'à des oublieux, des amnésiques, des très âgés et des très jeunes. Il y en a peut-être qui ignorent un peu ce dont il est question et ce qui a pu se passer en Iran, spécifiquement en 1979. Et si vous nous faisiez ça de manière la plus raccourcie, la plus synthétique possible, afin que tout le monde soit à peu près à jour. Alors, jusqu'en 1979, l'Iran était régi par le Shah, une sorte de roi, un monarque. Évidemment, déjà dans les années 50, mais surtout dans les années 60, il a commencé à avoir pas mal de discordes entre la rue pour arriver finalement en 1979 à une véritable révolution qui a été menée entre autres par l'ayatollah Khomeini, mais aussi par beaucoup de gens qui étaient voilà, la gauche iranienne, les communistes, des étudiants. Et finalement, on est arrivé à un moment crucial où l'Iran, qui était l'allié extrêmement important, le plus important des États-Unis du début de la guerre froide, si on veut bien, on est arrivé à un moment donné où de meilleurs amis, ils sont devenus meilleurs ennemis. Et quasiment du jour au lendemain. Pratiquement, enfin, en tout cas, l'année 79 a commencé par la révolution et a fini par la prise d'otages, des otages américains de l'ambassade de Téhéran. À partir de ce moment-là, les États-Unis et l'Iran, comme on le sait aujourd'hui, on voit bien les tensions qu'il y a aujourd'hui, sont dans l'impossibilité même de communiquer. Alors, il y a eu des tentatives diverses et variées à différents moments, mais pendant l'année et demie qui a duré cette prise d'otage, parce que ça a duré quand même 444 jours, il y a eu plusieurs négociateurs qui ont essayé, des Suisses, des Français, des Allemands, l'ONU, qui ont essayé d'aider ou d'être facilitateur. De faciliter ça. Et du coup, je m'étais dit, bah, là, on peut peut-être raconter l'histoire de comment nous avons démarré notre travail de puissance protectrice des intérêts des États-Unis en Iran. Et à cette époque-là, j'ai envie de vous dire, c'était peut-être le moment où nous, en tant que Suisses, avons fait probablement l'activité la plus active. On avait un rôle très actif parce qu'il fallait aider à libérer ces gens si on pouvait et avoir une discussion entre les États-Unis, la Maison-Blanche et les mollahs, Khomeini, le président fraîchement élu en Iran, Bani Sadr. J'ai voulu, pendant un temps, il y a quelques années de ça en arrière, interroger des diplomates sur la dimension, non pas de certains dossiers, mais sur la dimension des pratiques. Essayer de réfléchir à ce que c'est que les outillages. Est-ce que vous avez eu le temps de converser avec les diplomates sur ces questions-là? Qu'est-ce qui fait un bon diplomate? C'est pas seulement, même si ça compte énormément, un fin psychologue et fin connaisseur des dossiers, c'est peut-être aussi des techniques. Et si jamais vous avez pu un peu approcher ça, qu'est-ce que vous avez pu comprendre, sentir, connaître? Alors, un des rôles très importants des diplomates, à mes yeux, c'est l'observation. Et c'est d'être dans le pays hôte et de observer, reporter ce qui s'y passe, avoir un réseau personnel suffisamment vaste pour que on sache qui il faut appeler en cas de, quel que soit le cas de figure. Et si on prend cette affaire iranienne, même avant la révolution ou après, l'ambassadeur Lang, qui était en poste à l'époque, avait un réseau tout à fait étonnant qu'il s'était construit lui-même de gens qui étaient plutôt des religieux, c'est-à-dire il y avait notamment Hilarion Capucci, qui était un pro-palestinien, qui était en Iran depuis la Révolution et qui avait joué un rôle aussi, parce que c'était un proche de Khomeini, pour essayer de libérer ses otages. Et tout d'un coup, Eric Lang, l'ambassadeur de Suisse là-bas, connaissait cet homme. Il prend le téléphone. Et il savait que, voilà, c'était une personne. Donc, cette question du réseau, de l'importance du réseau et de se dire, bah, tiens, vers qui je vais pouvoir faire appel. Je vous donne un autre exemple. L'ambassade de Suisse à Téhéran était à l'époque à côté, c'était la parcelle d'à côté de la maison, la résidence du Premier ministre, qui est devenue ensuite la résidence du président. Donc cette proximité géographique permettait aux Suisses, et à Eric Lang en question, d'aller voir le président Banissadre pratiquement tous les soirs pendant des mois pour lui dire, bah voilà, regardez, les Américains, ils ont proposé ça, j'ai un câble qui vient de m'arriver, est-ce qu'on peut aller de l'avant et comment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour négocier des choses compliquées, des dossiers compliqués, en tout cas, ils m'ont dit que cette notion de connaître des gens, de pouvoir se présenter, de pouvoir parler de vive voix, tête à tête, de pouvoir vraiment se voir dans les yeux pratiquement, ça reste encore à l'ère d'Internet et à l'ère des tweets et autres réseaux sociaux, à quelque chose d'extrêmement important. Et c'est vraiment le réseau, non seulement avec le gouvernement, mais avec des institutions, quelles qu'elles soient, que ce soit des ONG, que ce soit la société civile, que ce soit des journalistes, des gens qui sont proches des milieux culturels ou sportifs, c'est que chaque mission diplomatique ait un réseau dans chaque pays plutôt bien implanté pour qu'on puisse proposer des choses, que ce soit dans simplement des négociations commerciales ou en cas de catastrophe naturelle ou en cas de révolution. L'ambassade d'un pays n'est pas le lien avec le gouvernement, c'est le lien avec le pays. C'est comme ça qu'on devrait l'entendre. Donc pour moi, c'est vraiment la question du réseau et d'être, comme vous dites, un fin observateur, psychologue. Mais je pense que le réseau est très, très, très important. Mais on peut aussi réfléchir en termes de largesse de l'éventail. Un réseau, se construire un réseau, ce n'est pas se construire un réseau monocolore. Ça veut dire qu'il va falloir, pour faire dialoguer des parties qui se trouvent à tel moment de l'histoire en situation d'adversité, il faut donc avoir un pied dans chaque camp. Peut-être que dans une période comme celle où se passe cette prise d'otage, rappelons les dates, on est au tout début des années 80, enfin 1979-1980, on n'est pas encore dans cette ère de la transparence absolue dans laquelle nous nous trouvons maintenant, où les étanchéités, le secret à garder est peut-être plus commode à l'époque qu'il ne le serait aujourd'hui. Est-ce que ces pratiques-là vous semblent aujourd'hui, vous qui avez approché ces diplomates-là, qui ont exercé en leur temps, et qu'est-ce qu'ils ont pu vous en dire, Daniel Wyss, est-ce que aujourd'hui, même si l'aspect humain est absolument recommandé, est-il encore praticable de nos jours? Alors, ça devient de plus en plus difficile, je pense, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que les gouvernements parlent entre eux, au niveau ministériel ou présidentiel, par d'autres canaux, par des canaux directs. Pas forcément par téléphone, mais par texto, ou par email, ou par tweet. Donc, moi, si je regarde Monsieur Descoster, qui était en poste à Téhéran en 79, tout jeune diplomate, et ce qu'il est devenu quand j'ai rencontré, qu'il était l'ambassadeur de Suisse en Équateur, il me disait, le président équatorien, je ne l'ai pas beaucoup vu, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce genre de rapport. Alors que s'il avait probablement été là 10 ans auparavant, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de ce rapport vraiment de contact direct. Aujourd'hui, on a dépassé malheureusement un peu ça. Mais je pense que tout le travail, je ne suis pas diplomate, donc mais j'imagine que tout ce travail de réseau, peut-être avec d'autres institutions, que ce soit les ministères, des différents trucs, ou les ONG, ou des associations, reste extrêmement important. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut travailler et qui permet, en cas d'instabilité politique, de aussi comprendre où est-ce qu'on va pouvoir trouver des ressources ou des personnes ressources qui vont pouvoir peut-être nous permettre de nous approcher des opposants politiques ou... Ce qui est fascinant, pour revenir à l'histoire iranienne, c'est de comprendre que les États-Unis, qui avait vendu des armes massivement aux chats pendant les 30 années qui ont précédé la prise d'otage, ou les 20, disons, ils étaient arrivés à un stade où ils n'avaient l'ambassade américaine à Téhéran, qui avait pourtant du matériel d'espionnage extrêmement sophistiqué et autres, mais ils n'avaient quand même pas réussi à comprendre qui étaient ces gens de l'opposition, vers qui ils pourraient aller, et à établir un réseau autre que celui du chat. Dans les gens que j'ai pu rencontrer, interviewer, ou dans les livres que j'ai pu lire pour préparer ce film, je me rends compte un peu de l'aveuglement qu'avaient les Américains quelques jours avant même le départ du chat. C'est-à-dire que jusqu'en décembre, donc un mois avant que le chat parte, à l'ambassade américaine à Téhéran, on ne parle pas de la possibilité d'une révolution. On parle qu'il y a un peu de l'agitation et voilà. Et c'est vraiment en décembre que l'ambassadeur américain envoie une missive à Jimmy Carter, le président des États-Unis, pour lui dire « thinking the unthinkable », c'est comme ça qu'on appelait, c'est en pensant l'impensable, et si le chat devait partir. Et tout d'un coup, les Américains se réveillent en disant « Mais attends, qu'est-ce qui va se passer? On peut pas. Comment ça va déstabiliser ?» N'oublions pas que l'Iran a une frontière gigantesque, la plus grande, avec l'Union soviétique à l'époque, et que du coup, c'est un rempart extrêmement important pour les Américains et pour l'Occident. Et que tout d'un coup, on se dit « Ah bah, si l'Iran devient un pays socialiste, parce que dans la Révolution, il y avait une composante socialiste importante, comment on va pas se retrouver avec un deuxième Vietnam ou autre chose ?» Enfin, il y avait toute une série de questions, mais qui, en effet, ils se sont posées très tard. Donc, je pense qu'à ce moment-là, les diplomates américains qui avaient été pris en otage, que j'ai pu filmer, interviewer, sont des gens qui parlaient parfaitement le farsi, qui avaient un niveau de connaissance de la culture perse remarquable. Donc, vraiment des professionnels. Et là, tout d'un coup, ils m'ont tous dit, non, on était pratiquement aveuglés par, peut-être par la guerre froide et par notre impossibilité de pouvoir avoir des informations autres que celles que le chat ou la SAVAK, son service de renseignement, pouvait nous donner. Et c'est vrai que ce mariage entre les Américains et le chat, qui a duré très longtemps, finalement leur a été extrêmement délétère pour cette affaire de la prise d'otage. L'événement déclencheur de la prise d'otage, c'est évidemment l'admission du chat aux États-Unis pour un traitement contre le cancer. Et à partir de ce moment-là, des étudiants ont fait une manifestation, un sit-in comme ils l'appelaient, qui a finalement dégénéré pour différentes raisons que vous pouvez peut-être voir dans le film. Mais enfin, je pense qu'il y avait une notion où personne, jusqu'au jour de la prise d'otage, et même sur les premiers jours de la prise d'otage, pensait que cette situation allait dégénérer en un conflit larvé de 444 jours. Et finalement, la position à laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Iran et les États-Unis ne se parlent plus, ou ne se parlent plus que grâce aux intermédiaires qu'est la Suisse. Daniel Wyss, avant qu'on entende un extrait de votre documentaire, une petite colle peut-être. Je m'étais laissé entendre dire que Ahmadinejad avait fait partie des étudiants preneurs d'otages. Au passage, dites-nous également aussi le nombre d'otages que ça représente, cette prise d'otages. Alors, au début de la prise d'otages, ils étaient à peu près 70. Ça fait du monde. Ça fait pas mal de monde. Il y avait à peu près 400 étudiants qui avaient fait cette prise d'otage. Le jour même de la prise d'otage, elle avait été décidée par un petit groupe, un noyau dur, dont M. Ibrahim Esrarzadeh, que j'ai interviewé en Iran, qui est dans le film. Et lui-même nous avait dit sa version de « Est-ce qu'Ahmadinejad a fait partie de la prise d'otage ?» Et en fait, il était organisateur, si vous voulez, de la prise d'otage au départ, mais Ahmadinejad avait dit « Si nous prenons l'ambassade américaine en otage, et on fait un sit-in là, il faudrait qu'on fasse la même chose à l'ambassade soviétique. » Et en disant nous ne pouvons pas, c'est pas, voilà, si on veut pas déséquilibrer complètement la chose, il faut qu'on aille prendre l'ambassade soviétique. Ce à quoi les autres avaient rétorqué, non, enfin c'est les Américains qui détiennent le chat. Et en fait, il était parti. Donc, il n'a pas fait partie de la prise d'otage, même s'il... Il est allé bouder parce qu'on n'a pas accepté son plan. On n'a pas accepté sa proposition. Daniel Viss, on entend tout de suite un extrait de votre documentaire. Début avril 1980, le chat séjourne en Égypte et son extradition n'est plus du ressort des États-Unis. Malgré cela, les Américains et Abol Hassan Banisadr, le premier président iranien, parviennent à un accord pour libérer les otages. En contrepartie, les États-Unis s'engagent à reconnaître le gouvernement révolutionnaire et à donner la possibilité à l'Iran d'exprimer ses doléances à l'ONU ou à la Cour internationale de justice. Un avion suissaire avait été dépêché à Téhéran, était resté en attente sur le tarmac de l'aéroport de Mehrabad. J'étais moi-même présent à l'aéroport de Mehrabad pour être témoin de l'embarquement des otages. Des dizaines de journalistes affluent à Zurich pour couvrir la libération des otages. Je me souviens, un soir, déjà tard dans la nuit, d'avoir reçu de l'ambassadeur Lang l'ordre de revenir à l'ambassade, puisque manifestement la libération des otages n'allait pas avoir lieu. Nous avons prié et pleuré ensemble le jour où nous espérions qu'il y aurait libération des otages ou que l'accord serait fait et puis que ça n'a pas eu lieu. Monsieur le Président Banisadr, à un certain moment, vous avez dû vous rendre au Conseil de la Révolution pour lui soumettre les conditions de Carter. Non? C'était à la fin du mois de mars 80. J'ai reçu une proposition, à la fois via Suisse, avec quatre conditions favorables pour l'Iran. Le Conseil de la Révolution l'a accepté, mais Khomeini l'a dit non. Il a dit non parce que on n'a pas encore fait les élections du Parlement et que le nouveau régime, une fois absolument rétabli, nous abandonnerons des otages. Son prétexte était ça à l'époque. Khomeini voulait encore profiter des otages pour régler ses comptes. À l'intérieur. À l'intérieur, ils ont imposé sa dictature. Voilà un extrait du documentaire de Daniel Viss, notre invité d'aujourd'hui. Documentaire intitulé « Ambassade ». Ça a été quand même une surprise pour moi de découvrir qu'il était toujours là, Monsieur Banisadr. Alors, Monsieur Banisadr, c'est donc le premier président élu en Iran, avec un score tout à fait, j'allais dire soviétique, même si ça correspond pas, mais je crois qu'il avait-il avec 79% des voix. Et ensuite, il y a eu l'affaire des otages qu'il a essayé de résoudre sans jamais vraiment pouvoir le faire. Et c'est un président qui n'a pas la main. Non, mais en fait, c'est vrai que on a compris, enfin les Iraniens et des gens comme Banisadr avait été exilé en France, donc il connaissait l'ayatollah Khomeini de Paris, alors il le connaissait pas. De Neufle, le château. Ah, exact, oui, en effet. Et donc, il est retourné en Iran avec Khomeini. Il savait, d'une certaine façon, qu'il aurait un rôle à jouer dans ce gouvernement-là. Probablement dans la révolution en tout cas, et qu'il prendrait une place là. Ensuite, quand il y a eu l'affaire des otages, évidemment que Banisadr et Khopsadeh, qui étaient son ministre des Affaires étrangères, avaient tenté 35 fois pratiquement de libérer les otages avec différents scénarios. La plupart étaient passés probablement par notre ambassade à Washington et à Berne et à Téhéran, sans succès. Et ensuite, il y a eu la guerre Iran-Irak, parce que Saddam Hussein avait profité en 1981 de la faiblesse du régime et du fait que l'embargo que les Américains avaient imposé suite à l'occupation de l'ambassade, évidemment, commençait à rendre les choses très très compliquées pour l'Iran. Banisadr s'est retrouvé chef des armées. Et assez rapidement, on a compris qu'il était relativement compétent pour faire ce rôle et que contrairement à ce que Saddam Hussein et à ce que l'Occident pensaient, cette guerre n'allait pas être une guerre éclair. Et voilà, je pense que à ce moment-là, Khomeini et les autres ont compris que c'était peut-être pas très bien d'avoir quelqu'un qui ne soit pas des mollahs, qui soit plutôt quelqu'un qui voulait une république... Une forme d'électron libre, quand même. Complètement, hein. Complètement, et qui était plutôt peut-être trop à gauche dans leur échiquier et pas assez conservateur au sens religieux du terme. Et donc, il a dû fuir l'Iran. Il avait été accusé de trahison. De toute façon, c'était la valise ou le cercueil. Pratiquement. Et donc, il est parti s'exiler à Paris, où il habite aujourd'hui encore. Et il habite encore sous protection policière. Autre surprise, le portrait de Khomeini. C'est un personnage iconique, Khomeini, mais les mots qui sont dans votre documentaire, Daniel Viss, rapportés par rapport à son endroit, le nuancent quelque peu. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques échos ? Alors, moi j'ai rencontré pas mal d'experts iraniens, surtout sur Khomeini, mais c'est vrai que la question qui revient constamment, aussi parce qu'il y a un culte de la prostituée très très important sur Khomeini en Iran, et on le voit dans les rues. Encore et toujours. Encore et toujours, et que tout le monde en parle quand même d'une certaine façon, et qu'il est très présent, même si ça, il est décédé depuis plus de 30 ans. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre à quel point c'était un fin stratège politique, à quel point il a réussi. En fait, c'est comme dans toutes les révolutions. Il y a la première révolution, puis après, il y a la deuxième révolution, celle où on prend vraiment le pouvoir. Hein. Il y a la révolution, où on, comme la révolution russe, si vous voulez. Il y a Lénine, puis Staline. Oui, c'est celle où on arrive à mettre en place vraiment les gens qui vont finalement diriger le pays. Et Khomeini comprend très bien qu'au début, il faut être fédérateur, rassembleur, qu'il faut que cette révolution vienne vraiment du peuple, au sens très large du terme. Et ensuite, il va s'arranger pour éliminer, de façon réelle ou indirecte, c'est les opposants, les gens qui vont avoir des tendances, les Banissades, les Khobsadeh, mais aussi, voilà, il y a eu des attentats à la bombe en Iran en 79 et 80. Le deuxième président, Rajaï, il est resté en poste un mois. Après, il a été tué dans une attaque à la bombe. L'ayatollah Beheshti, qui était plutôt modéré, si je puis dire, a été tué dans un autre attentat à la bombe, aussi en 80 ou 81. Qui sont des attentats internes. Alors, on ne sait pas qui, mais on imagine bien. Khobsadeh, qui était ministre des Affaires étrangères, il a aussi fini au cercueil, si vous voulez. Il est mort à 40 ans d'un attentat à la bombe. Donc, et c'est des gens qui n'existent plus non plus dans la mémoire collective iranienne. Ils font pas partie de ce culte de la personnalité. Ils font pas partie des gens qu'on continue. C'est pas des martyrs, si vous voulez, parce qu'il y a une culture très forte du martyr. Alors, ce qui est très intéressant, parce que j'ai pu aller en Iran pour le tournage de ce film, c'est de voir aujourd'hui cette société iranienne. L'Iran d'aujourd'hui, ils sont 80 millions d'habitants. Ils étaient 30 à l'époque. Donc, tous ces jeunes qu'on voit dans les rues, ou tous ces, c'est des gens qui n'ont pas connu Khomeini, qui n'ont probablement, évidemment, pas connu la période du Shah, mais, et qui restent, donc, quand même, on reste dans un modèle qui représente ce culte de la personnalité de Khomeini et tout ça, mais les gens sont, d'une certaine façon, déconnectés. On parle dans les gens dans la rue, de façon tout à fait ouverte, de l'Occident. Et les gens sont très connectés. Cette jeunesse, il y a une force aussi dans les arts, dans la musique, dans le cinéma, dans la littérature. C'est vrai que l'Iran est un pays qui a encore un peu, et c'est l'espoir que j'ai peut-être pour ça, une possibilité de peut-être de nous surprendre. J'espère pas avec une révolution sanglante, mais avec une évolution, en tout cas. Daniel Viss, vous nous redonnez le titre de votre documentaire. Alors, le film s'appelle Ambassade, et il sera diffusé dimanche. Sur RTS2, merci d'être venu une nouvelle fois au micro d'Histoire Vivante. À bientôt pour la suite. Merci. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté.